vie, aux quatre coins des nuits qui marchaient sans but, au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Pour moi la musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Dont les jours sont de pluie, l'heure toute perdue, écoute et souris. Oui, souris à la vie, oublie tous tes ennuis, ne sois plus triste, le rêve existe.